Mardi 22 mars 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude. Et comme à l'habitude, ben, un regard bien ardent, bien passionné, on l'espère, sur le 9e art. Et on portera des regards sur différents axes, justement, de cette discipline, et notamment ses implications intellectuelles, philosophiques, réflectives, puisque, ben, tout à l'heure, on aura le plaisir de discuter avec Pierre Ancé, qui est philosophe, qui est de passage à Québec, notamment pour donner ce soir une conférence à la bibliothèque Gabriel Leroy, intitulée Gaston Lagaffe, philosophe. C'est autour de son livre du même nom. Et donc, on explore la figure de Gaston Lagaffe, mais comme résistant, peut-être comme rebelle, comme personne qui nous amène d'une certaine façon des pistes d'action, donc dans le contexte du travail, dans le contexte de la résistance à certaines formes de domination. Alors, une perspective qui est bien intéressante et qui apporte un regard assez stimulant aussi sur l'univers qui nous est proposé par Franquin, donc dans cette populaire série. Alors ce sera tout à l'heure. Également de passage en deuxième partie d'émission, il y aura Stéphanie Leduc, qu'on connaît comme auteur jeunesse, notamment pour la série des Titi Krapouti, et qui a donné maintenant dans la BD peut-être plus adulte, plus adolescente, dans l'univers de fantasy, de la science-fiction, un peu métissage entre les deux, avec un album qui s'appelle Terre sans Dieu, donc tome 1 qui vient d'arriver du côté de Première Ligne. Alors évidemment, tout ça accompagné d'une grosse mythologie, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les albums de ce genre. Alors on parlera avec elle de la création de tout ça. Également, on aura le plaisir de jaser BD avec Marco Duchesne en fin d'émission et ses commentaires BD pour cette semaine. Alors voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Évidemment, le milieu de la BD qui reste très actif, pourrait-on dire, et avec quelques nouvelles, évidemment, qui accompagnent tout ça. Notamment, ben, en fait, ça m'a surpris, sincèrement, quand j'ai vu ça passer, parce qu'on a toujours l'idée que les mangas, ben, ça vend beaucoup, ça vend très bien, et de manière générale, en fait, donc c'est le cas. Mais par contre, il y a donc une maison qui s'appelle Ankama, qui, elle, avait subi un peu l'effet inverse, donc ses ventes avaient sensiblement ralenti au fil des derniers mois, et maintenant, bon, cette maison d'édition qui spécialisait donc dans l'importation ici de manga vient d'annoncer officiellement son arrêt définitif, donc faute de lecteurs en nombre suffisant. Donc, faut dire que ça faisait un peu plus de 2 ans qu'Ankama s'était lancé sur le créneau du manga. Donc, on parle de séries, par exemple, comme Black Joke, Hitman, Part-Time Killer, ou La Paire et le Sabre, et Togenu Nochi, donc qui sont les principales séries. Cela dit, ce qui est important de signaler, c'est qu'eux arrêtent donc l'importation et la traduction de manga japonais, mais par contre, il y a des, on pourrait dire des manga-like, donc des albums d'inspiration manga, mais produits par des auteurs français, et ça, ils gardent quand même ce créneau-là avec des séries comme Appartement 44 et City Hall. Alors ben voilà, petite nouvelle donc pour les amateurs de manga. Et parallèlement, on parle aussi d'autres adaptations cinématographiques, donc après Astérix, après Boule et Bill, après Le Petit Nicolas. Eh bien, voilà un nouvel héros qui va faire son entrée au cinéma. Deuxième personnage, d'ailleurs, de cet auteur à être adapté au grand écran après les Schtroumpfs. Il s'agit de Benoît Brisefer, donc le héros de 10 ans de la bande dessinée de Peyo. Elle sera adaptée au cinéma dans le film Les Taxis Rouges, qui mettra en vedette Jean Renaud et Gérard Jugnot. Donc, premier album de la série, d'ailleurs, créé par Peyo, Les Taxis Rouges. L'ensemble de la saga qui a été vendu à 9 millions d'exemplaires, traduit dans une vingtaine de langues. Et pour vous situer un peu Les Taxis Rouges, eh bien, l'histoire se déroule dans une petite île française qui est menacée par une bande de malfrats qui viennent pour la piller sous le couvert de l'implantation d'une nouvelle compagnie de taxis. Évidemment, ben Benoît Brisefer, qui a des super pouvoirs, qu'il perd et qu'il s'enrhume, ben va réussir à remédier à cette situation. Oh ben voilà, ce sera à surveiller. C'est distribué en France. On verra également si on l'a au Québec et quand on l'aura-t-on. Mais ce serait donc prévu pour une sortie en 2014. Alors là-dessus, on part en musique. Quelques extraits musicaux cette semaine qui seront de la formation Vertigo, tirés de leur album Poke 1170. On en écoute un premier extrait. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Et d'ailleurs, mentionnons-le, c'est important de le dire. Donc, la station, qui vous le savez peut-être, est présentement en campagne de pré-radioton, en route vers cet événement de financement incontournable pour la station qui aura lieu les 5, 6 et 7 avril prochains. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations mais sur les possibilités de dons pré-radioton, le 15$ et plus, allez faire un tour sur le site web de la station, donc ckrl.qc.ca. Et ce qui est bien, en fait, en plus, c'est qu'on vous récompense pour les dons dans la mesure où il y a un tirage d'associés à ça. Donc, si vous faites un don avant le 5 avril prochain, vous courez la chance de gagner un prix spécial membership et un prix spécial don pré-radioton. Alors, allez faire un tour donc sur le site web de la station ckrl.qc.ca. Avant de se lancer dans les entrevues, dans les rencontres, je tenais à vous parler d'un album sur lequel je suis tombé tout récemment, hier soir, et je dois avouer qu'il m'a grandement surpris. C'est arrivé dans ma boîte aux lettres et ça m'a donné une petite baffe. Donc c'est l'album Tram de Ratzinger, le poids d'une tête coupée. Et sincèrement, un album assez particulier, assez difficile à décrire. Je me suis dit que j'allais me risquer quand même. Et il faut dire que ça nous renvoie peut-être dans un univers un peu à saveur Lynch, un peu dans cet esprit-là. Donc un esprit trouble où les motivations des gens sont rarement ce qu'on imagine être. Et où les flots du récit ne sont pas non plus ceux qu'on imagine être. Mais ça reste quand même cohérent dans toute cette incohérence-là et dans ce malaise qui se dégage de cette bande dessinée-là. Évidemment, un malaise quand même reste un malaise joyeux, un malaise qu'on a plaisir à ressentir à travers tout ça, parce que justement, on est surpris par la nature du récit qui nous est proposé. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu là-dedans? Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Donc, on démarre le récit avec deux jeunes gens, visiblement des gens d'un milieu aisé, des gens qui aiment bien aussi à consommer alcool et drogue, et qui donc attendent une fête. Ils sont allés sur le bord de l'eau. Et au début de l'album, donc, il y a un personnage qui se met à gravir la falaise proche de laquelle ces deux personnages-là se trouvent. C'est un être difforme, petit, habillé de la tête aux pieds avec une cagoule qui semble couvert de boue, qui a un trident avec lui et qui s'approche d'eux et qui leur demande de l'amener à la fête. Donc, lui disent, regardez, est-ce que tu veux nous voler? Est-ce que, on va te la donner, l'auto, on s'en fiche. On va te donner tout notre argent. C'est pas grave. Si tu veux quelque chose, dis-nous-le. Mais bon, laisse-nous tranquille. Et lui, il dit, non, je veux pas vous voler. Je veux que vous m'ameniez à cette fête-là. Finalement, va les forcer à se faire et à remplir le temps avec lui, parce qu'il y a encore plusieurs heures à passer. Il va essayer de les torturer moralement, mentalement, ça va nous amener ensuite vers différents détours qui vont nous faire découvrir un ermite complètement déconnecté de la réalité et de la violence de cette réalité-là, un band de camionneurs et qui prennent plaisir à justement kidnapper, torturer, blesser des gens, et évidemment ce nain et la raison de tout ça aussi. Donc ça donne quelque chose d'assez particulier qui quand même bien exprimé à travers le titre, donc Tram, avec ce sous-titre, donc Le poids d'une tête coupée, pas qu'il y a nécessairement de tête coupée, pas qu'il y a nécessairement d'éléments liés à ce titre-là, mais c'est l'ambiance peut-être de la BD qui est transposée par le titre, donc ça donne encore une belle idée. Et donc, dans le fond, en plus, avec aussi une structure manga, dans la mesure où on commence par la fin en termes de lecture à l'européenne, donc encore là, on déboussole un peu les gens qui s'attendent à une BD de style européenne en leur offrant, oui, une BD européenne, mais dans une structure manga. Alors, c'est le genre de petit jeu qu'on propose là-dedans. Et donc, on se retrouve en plein, vous l'aurez bien saisi, je pense, dans un road movie absolument cauchemardesque, nous amène au fil des cases, donc dans cet univers-là, avec des formats de cases variables, des styles variables où par moment on a l'impression de faire une ellipse vers le futur du récit, dans des cases très sombres, très noires, on comprend pas trop ce qui se passe, des mots manquent, les paroles manquent, on a seulement certaines bribes de cet avenir proche qu'on va découvrir par après, donc ça ajoute peut-être un esprit, j'oserais dire, presque hallucinogène à ça, et appuyé par un dessin qui est au noir et blanc, qui est somme toute assez standard, mais on n'a pas besoin d'en faire trop non plus dans le contexte d'un album comme ça, d'essayer de trop le styliser, d'essayer de trop le développer, de trop surprendre, puisque le récit lui-même est déjà assez étonnant, justement. Je voyais certaines critiques d'ailleurs qui parlaient de Charles Burns en termes d'influence, bon, côté graphique, côté ton, une situation donc désarçonnante de flash forward en négatif, un album qui emprunte un peu à la logique des rêves, à une trame donc assez surprenante, ce qui fait un récit ben au bout du compte assez, comme je le disais, assez stimulant, assez surprenant, plutôt mal à l'aisant aussi, donc c'est certain que c'est pas le genre de BD que je recommanderais à tout vent non plus. Faut quand même avoir envie de plonger dans ce type d'ambiance, d'explorer ce type d'univers trouble là, mais si c'est le genre d'univers justement qui nous donne des envies d'essai, des envies de plonger un peu dans tout ça, ben oui, ça peut être intéressant et oui, ça peut valoir la peine. Donc si à m'en entendre parler, vous êtes bref, peut-être, mais ça vaudra la peine peut-être d'aller justement le feuilleter en librairie. Alors, je vous rappelle le titre, ça s'appelle Tram, le poids d'une tête coupée, c'est de Ratzinger et c'est chez Atrabile. Alors voilà, donc un petit album en noir et bleu et orange côté couverture. On repart en musique, toujours donc avec la formation Vertigo. On écoute un autre extrait, tout à l'heure c'était Doppelganger et maintenant on écoute Solon CR. Voilà, toujours à La Vie en BD, Raymond Poirier toujours avec vous et maintenant on a le plaisir d'être rejoint au bout du fil par l'auteur Stéphanie Leduc qui nous offre du côté de Première Ligne donc une BD qui s'appelle Terre sans Dieu, premier tome, L'éveil du fléau. Stéphanie Leduc, bonjour. Bonjour. Alors, il faut dire en fait, d'ailleurs, votre nom nous est familier évidemment via la série des Titi Crapouti, donc série jeunesse. Et oui. Là, vous amenez dans un univers qui est plus adolescent, adulte. Vous aviez envie donc d'explorer, de nous proposer donc des nouveaux horizons côté dessin, récit. Oui, je varie beaucoup parce que je fais aussi de la BD érotique. Alors, En fait, Père Sandieu est plus vieux que Titi Crapouti parce que c'était à l'origine mon projet d'études à l'université en bande dessinée. Et qu'est-ce qui vous avait amené justement à le mettre peut-être, oserais-je dire, en veilleuse ou à le ramener justement maintenant, quelques années après, donc votre parcours à l'Université du Québec en Outaouais? Ce qui a décidé de l'ordre, c'est les éditeurs. Titi Crapouti a intéressé en premier les éditeurs et ensuite ça a été le tour de Père Sandieu avec un autre. Et ça a bien failli jamais arriver parce que c'est un projet, c'est une bande dessinée à grand déploiement, c'est ambitieux. Et les éditeurs étaient plus nerveux de se lancer là-dedans qu'un projet jeunesse. Et c'est un peu, dans le fond, une rencontre avec l'équipe de Première Ligne qui a rendu le projet possible, de ce que j'en avais compris au fil des articles. Oui, j'en étais rendu à carrément mettre Terre sans Dieu sur un blog, et c'est pendant un festival BD que j'ai rencontré l'éditeur de Première Ligne qui m'a donné cette occasion inespérée de finalement publier mon livre. Ils ont pas froid aux yeux et c'est vraiment un super éditeur. Et vous l'avez dit, Stéphanie Leduc, c'est quand même un album à grand déploiement parce que dès le départ, en fait, c'est conçu et c'est pensé pour être une trilogie. Oui, c'est conçu pour être une trilogie. Ce premier tome date d'il y a 5 ans. Je l'ai terminé il y a 5 ans. J'ai fini de le mettre en couleur cette année. Et le tome 2 sera encore encore plus abouti parce qu'il va bénéficier de mes 5-7 nouvelles années d'expérience. Oui, ça doit être particulier comme ça, d'ailleurs, de le revenir sur un album qu'on avait déjà développé, travaillé, d'apporter la touche finale 5 ans plus tard avec le poids de l'expérience qu'on a acquise au fil des années. Là. C'est un voyage dans le temps. Et j'ai retouché quelques dessins, là, mais sans plus. Vous êtes gardé une petite gêne là-dessus? Oui. Et bon, peut-être, en fait, pour nous mettre en contexte de ce projet-là, il faut dire, bon, on est dans l'héroïque fantasy, dans un côté aussi science-fiction, si on peut dire. Donc, pouvez-vous nous présenter un peu l'univers? Parce que c'est un peu ça que vous nous proposez dans Terre sans Dieu. Donc, l'univers de Terre sans Dieu, qu'est-ce que c'est? L'univers de Terre sans Dieu, c'est un monde où l'humain est naturellement idolâtre, comme nous, au fond. Et plutôt que de prendre leur propre destin en main, ils décident de créer des dieux qui les contrôlent et ils se retrouvent avec le problème de se libérer eux-mêmes des dieux qu'ils ont créés. Ça, c'est l'histoire. Et le personnage principal de mon histoire, c'est Agnès, une mère, la mère d'un petit bonhomme de 9 ans qui était une ancienne esclave et qui s'est élevée par les voies du mariage et elle continue de souffrir de racisme. Et finalement, il s'avère qu'avec l'éveil d'un mystérieux fléau, elle doit quitter sa situation pour sauver son fils, son mari, puis son monde. Mmh. En gros, c'est ça. Et donc, dans le fond, on peut dire un récit où, comme souvent, en fait, on en profite à travers, justement, des thématiques plus science-fiction, fantasy, pour amener des réflexions, des préoccupations par rapport à notre monde aussi. Donc, c'est pas déconnecté de notre réalité, bien au contraire. Non, c'est une sorte, une analogie de notre monde. On pourrait dire un peu... Nos problèmes sociaux, nos problèmes écologiques se traduisent dans cette BD-là, mais pas de façon pédagogique, là, du tout. Non, exactement, C'est des thèmes qui nous rejoignent, c'est universel. Et qu'est-ce qui vous a amené, peut-être, si on fait un peu la genèse du projet aussi, il y a 5 ans, qu'est-ce que vous avez lancé sur ce genre-là, sur l'heroic fantasy? Donc, vous parliez tout à l'heure d'une volonté de varier, mais pourquoi ce genre-là, plutôt, par exemple, le thriller ou d'autres styles? Ah, ça, c'est ce qui m'a toujours fait rêver. Je suis le public cible, je suis une personne qui lit pour se divertir et rêver, et je fais de la bande dessinée pour divertir et faire rêver. Et pour moi, il n'y a rien qui me fait plus rêver que la fantasy. Ou la science-fiction. Oui, c'est un peu les deux. Et en même temps, je comprends ce que vous voulez dire, dans la mesure où je veux dire, prenons l'exemple de Terre sans Dieu, je veux dire, c'est une construction d'un univers. C'est pas simplement le récit qui est à bâtir, mais c'est toute la mythologie qui entoure ça. C'est toute l'architecture qui entoure ça aussi. C'est énorme, visuellement, à construire que les véhicules aient l'air crédibles, les costumes, même la faune et la flore, au fond, l'architecture. Ça a été, je me suis monté une bible carrément de gros. Le carnet d'études est aussi gros que l'album. Donc ça pourrait devenir des appendices éventuellement. Je pourrais publier un making of. Et comment on s'y prend? Qu'est-ce qui nous inspire? Parce que j'imagine on part un peu des images qu'on a en esprit, des influences qu'on a pour réussir justement à bâtir une civilisation cohérente. Je me suis inspirée, par exemple pour les engins volants, je me suis inspirée des débuts de l'aviation. Des espèces d'engins qui étaient complètement abracadabrants puis qui n'auraient jamais volé dans la vraie vie. Bon, ben je m'inspire de ça pour faire mes engins volants dans Terre sans Dieu. Ou pour les costumes, je me suis inspirée un peu des Amérindiens, des Aztèques, du Moyen-Âge. Donc, d'essayer de cadrer, parce que vous l'avez dit, enfin, on est dans une situation où le monde est devenu froid, est devenu un désert de glace et de sable et de pierre. Donc, il faut aussi aller chercher dans la logique comment les gens qui habiteraient dans cet univers-là seraient habillés, quel genre de construction ils feraient pour se garder au chaud, etc., etc. Oui, c'est un monde nordique, puis comment ils font pour se garder au chaud. Il y a une substance qui s'appelle la luciférine, qui est un peu l'énergie qui leur permet de vivre. Et c'est cette énergie-là qui est en train de disparaître. On est dans la notion d'un monde mourant. Et le défi aussi, j'ai l'impression, et tout particulièrement dans les premiers tomes, quand on propose un univers comme ça au lecteur, c'est que ça soit amené aussi, j'imagine, de manière subtile. On peut pas tout lancer dans des bulles qui pourraient faire des pages et des pages. Mais oui. En même temps, on a besoin et du texte pour appuyer le dessin, pour faire saisir aussi l'ampleur de ce qui se passe, de ce que les gens vivent, etc. Mon défi, ça a été justement de pas être toujours dans l'explication, d'essayer d'amener ça par des situations que l'information coule naturellement et pas tout d'un coup. Fait que ça a été le gros défi parce que c'est une histoire complexe. Et finalement, je pense que j'ai bien relevé le défi et c'est très agréable à lire. Et j'imagine, si on se reporte dans votre univers d'il y a 5 ans, sa création, ben vous ne vous l'étiez pas donné facile non plus en termes de type de récit pour un projet de fin d'études non plus. Oh non! le prototype avait 10 pages. Ensuite, j'ai fait une deuxième version d'environ 20 pages et vous avez en main la version finale de 60 pages. Ce qui est quand même assez imposant aussi pour une BD, parce que souvent c'est 40, 42 pages, donc déjà, j'imagine en collaboration avec l'éditeur, vous avez pu prendre l'espace dont vous avez besoin pour présenter ce récit-là. Oui, mon éditeur s'est montré très flexible, et ce qui se passe avec mon histoire, c'est que je commence par la fin et je recule, fait que c'est de se décider à s'arrêter à ce début-là. Et en même temps, ça surprend, parce qu'on commence le récit comme ça, et whoops, à un moment donné, on se retrouve dans le passé avec d'autres personnages, justement, et on se rend compte, justement, qu'on est en train de construire la situation dans laquelle on se trouve au début. Pourquoi avoir pris ce parti pris-là au niveau narratif? Oui, c'est un jeu scénaristique où ce qui va se passer dans le passé dépend ce qui va se passer dans le futur, pardon, dépend des réponses qu'ils vont trouver dans le passé. Fait qu'il va toujours avoir ce jeu-là, et vous remarquerez dans le livre qu'on est sur les mêmes lieux, mais dans le passé ou le présent. Fait que de quoi a l'air le lieu d'où c'est plus tard. Oui, puis ça force aussi, en fait pour nous, ça nous donne donc un plaisir à explorer, à forer, à voir le lieu en deux temps, et pour vous, j'imagine aussi au niveau de l'exploration et du plaisir des compositions visuelles, de pouvoir offrir aussi un même lieu, puis d'anticiper ce qui aurait pu se passer après la catastrophe, dans le fond, après la disparition de la luciférine. Oui, le décor est un personnage en soi. Le décor est un personnage qui évolue dans le temps. Et comment on s'assure, j'imagine que c'est vraiment un processus de relecture et de relecture pour s'assurer justement que ça reste cohérent, que ça reste lié justement de manière adéquate, puis qu'on n'échappe à rien au fil des cases? Oui, ça a été tout un défi. Ce que je faisais, c'est que je faisais une scène, des grosses scènes, et ensuite je les ai découpées. Mettons, cette scène-ci, je la coupais en deux, puis je mettais un autre bout de scène entre les deux. Fait que c'était une sorte de jeu à mettre de l'ordre dedans. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Et j'imagine avec un gros travail aussi au niveau scénaristique en amont, ou avec justement les concepts visuels et le reste. Donc tout ça devient un peu un melting pot pour en arriver donc à l'album, puis à la cohérence de l'album. Oui, et c'est de pas oublier les personnages là-dedans, l'aspect humain, le fil conducteur là-dedans, c'est l'histoire d'une mère qui vit des injustices sociales et qui est encore plus blessée de voir son fils les vivre. Et que finalement, un mystérieux fléau, quand on dit le bonheur des uns fait le malheur des autres, un mystérieux fléau va lui permettre de se sortir de tout ça. Et quand vous vous êtes lancé là-dedans, parce que évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il y a les suites qui s'en viennent, est-ce qu'on part déjà en ayant clairement l'idée de ce qui va se passer dans les 3 tomes, ou est-ce qu'on se garde un peu des réserves pour justement être en mesure de l'adapter au fur et à mesure de la création du premier et du deuxième? Je laisse toujours de la place à l'accident. Mais je sais c'est quoi la fin. Je connais les pauses clés, mais je laisse toujours de l'espace pour être surprise moi-même, parce que je suis mon premier public. C'est moi que je divertis avant tout, et je veux m'amuser en faisant mon histoire. Et si jamais le scénario était déjà écrit en tout point de A à Z, ben là, je perdrais un peu intérêt. Oui, parce que j'imagine aussi, comme vous le disiez, c'est les personnages qui sont au cœur de tout ça, donc faut leur laisser de la place pour vivre, pour évoluer, pour grandir. Pour improviser, oui. Et à travers ça aussi, Stéphanie, le Duc, il y a de la musique aussi. Vous avez des collègues qui ont fait une trame sonore pour accompagner ça. Gabriel Malenfant et Marc-Antoine Chenaille, c'est pas habituel ça. Donc, d'où est venue l'idée? Je donnais des ateliers en bibliothèque et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et ils m'ont proposé de mettre ma bande dessinée en musique, carrément. Et on a monté un très beau travail de collaboration. Au fond, c'est une bande sonore instrumentale de mon album. C'est l'histoire racontée autrement, mais pas à écouter en lisant, parce que il y a un peu de métal là-dedans. C'est un peu dans le style Linkin Park et Muse. C'est Gabriel Malenfant et Marc-Antoine Chenel, les deux musiciens. Ils ont fait un travail excellent, vraiment beau. J'adore leur musique. Alors, dans le fond, on lit la BD, puis après ça, on l'écoute, on se télécharge la musique en balado-diffusion, puis on complète un peu, mais... Oui, vous avez l'émotion du livre en musique. Et donc, ça permet aussi, j'imagine, éventuellement de donner des assises pour développer d'autres pans de cette mythologie-là que vous avez créée, mais au-delà de la planche. Oui. Moi, je trouve qu'en bande dessinée, ce qui manque, c'est la musique. J'aime tellement les trames sonores de films. Alors, quand ils m'ont proposé de carrément me faire une trame sonore digne de film, j'en croyais pas ma chance. Et ça, c'est disponible sur SoundCloud. Si on veut se mettre en oreille, tiens, parce que vous l'avez dit, ça transpose bien l'émotion de la pièce. Bon, on va sur soundcloud.com/Kukzik et on va découvrir donc la trame sonore. Ça donne une idée, dans le fond, des émotions et du parcours de cet album-là. Et Stéphanie, est-ce qu'il y a déjà un calendrier précis sur le tome 2, le tome 3? Oui, si j'ai une bourse, le tome 2 sort dans 2 ans. Si j'ai pas de bourse, dans 5 ans. Okay. C'est aussi simple que ça, parce que je tiens le projet à bout de bras. Alors ben d'ici là, donc on lit le premier tome, puis après ça, ben, on découvre donc les suites en cours de route. Stéphanie Leduc, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, ben, on se laisse justement sur une pièce de cette trame sonore, un extrait donc d'une fugue. Alors je vous rappelle qu'on s'entretenait avec Stéphanie Leduc, donc auteur de Terre sans Dieu, premier tome, donc L'éveil du fléau, disponible chez Première Ligne. Radioton spécial 40e anniversaire de CKRL arrive à grands pas. Et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par La Barberie, la boîte à pain Café Napoli et le bal du lézard. Ici Jean-Paul Lallier, président d'honneur du 40e anniversaire de CKRL. Comme à chaque année, CKRL aura son radioton pour trouver les financements nécessaires qui lui permettent de continuer à se développer dans la liberté et au service de la grande communauté de Québec. Ne manquez pas cet événement les 5, 6 et 7 avril prochains. 40 000 $ pour 40 ans de beaux services à la communauté. Vous êtes graphiste ou artiste émergent de la Ville de Québec? Du 1er mars au 1er avril, la mesure Première Ovation vous invite à relever un défi créatif de taille. Proposez une nouvelle affiche pour Première Ovation. Proposez-nous des concepts novateurs et audacieux. Et courez la chance de devenir le visuel officiel de Première Ovation et de voir votre création diffusée à la grandeur de la ville. En plus, il y a 2 500 $ en prix. Pour savoir comment, consultez premièreovation.com et soumettez-nous vos concepts avant le 1er avril. Ici Lise Castonguay, comédienne et porte-parole avec Lucien Ratio de la Journée mondiale du théâtre 2013. Nous vous invitons à célébrer la Journée mondiale du théâtre le mercredi 27 mars. De 7h à 9h, des comédiens monteront à bord d'autobus express du RTC et du traversier Québec-Lévis pour offrir aux passagers des extraits de pièces de théâtre. Et à 9h, à la Galerie du Grand Théâtre, le public est invité à entendre les messages québécois et internationaux. Bonne Journée mondiale du théâtre. Jusqu'au 31 mars, contribuez à la campagne de financement de Vidéofemmes, un centre d'artistes de Québec qui fête ses 40 ans. Faites un don et recevez l'une des nombreuses récompenses. Pour 15$, obtenez un macaron aux couleurs de l'organisme. Pour 40$, devenez propriétaire d'une compilation de courts-métrages et plus encore. Pour 125$, courez la chance de gagner l'un des 15 iPod Touch. Tous les détails au videofemmes.org ou téléphonez au 418-929-9188. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulven D vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1, l'émission La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez écouter l'émission via balado diffusion, mais c'est possible de le faire en allant sur l'un des blogs de l'émission, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'hyperliens. Alors, c'est lavieenbd.wordpress.com. Et également, j'en profite pour vous référer aussi à mon blog sur voir.ca, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Et maintenant, le plaisir d'être rejoint par notre collaborateur Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Ça va bien? Oui, toi? Mais ça va très bien. Enfin, on dirait qu'on se prépare. Il y a comme une effervescence avec le festival. Là. La neige va finir par fondre et les dates importantes commencent à se rapprocher. Oui, il y a beaucoup de nouvelles sorties. L'inventaire et effectivement... Sortie québécoise, ça revient. Là. Il y a eu une pause janvier-février, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, mars-avril, c'est voilà, marathon. Oui, là, je pense qu'on s'achemine tranquillement vers un printemps très BD-esque et québécois. Oui, et j'ai envie qu'on se lance d'ailleurs, puisque cette semaine, en fait, deux albums qui vont être commentés par toi. Et j'ai envie qu'on commence par Le Québécois. Tu veux Le Québécois, là? Je voudrais Le Québécois. D'accord. Et au moment où on se parle aujourd'hui, je recevais, entre autres, on parle de Québécois, là, chez Glénat Québec, le fameux Kissinger et nous. Oui, je l'ai reçu aujourd'hui, je suis curieux de voir. En tout cas, si quelqu'un t'en parle, et si personne le fait, à ma prochaine visite, oui, c'est pas mal certain qu'on va recevoir aussi les auteurs, Bruno Rouillard, Ami Vaillancourt, un peu comme Xavier Hardy, Fabien Dreuil et Simon Leclerc pour Nevada. On aime bien rencontrer les auteurs d'ici, mais ça parle comment? Parce qu'on est dans une BD assez large public, là, avec voilà. Ça. Alors, ce Nevada est sorti la semaine passée. Nevada, première partie, ce sera une histoire en deux tomes. C'est un polar. On nous arrive avec une bande dessinée qui n'est pas un roman graphique, ni parce qu'au Québec, on a atteint une belle notoriété en BD, en ce genre-là, hein, c'est-à-dire en roman graphique, en journal intime, en BD intimiste. Et là, on nous arrive avec quelque chose de très, je dirais, accessible, très commercial, ce Nevada, première partie. C'est un polar. C'est, dès le départ, il y a mort. Et aux nouvelles du soir passent des témoins de cette mort-là et un personnage, une espèce de gros baraqué, voit quelqu'un à la télé et reconnaît quelqu'un et décide de se rendre à Nevada City parce que c'est là que ça se passe l'intrigue. Alors, en voix off, à la façon du roman noir, voix off. Et là, tranquillement, l'intrigue nous est envoyée au compte-goutte. Le personnage embarque dans sa belle Chevrolet 1957 et prend la route. Alors, c'est un road movie, c'est à la façon des... titre, Nevada. Ouais. Et se rend au Nevada, à Nevada City, où son automobile va faire des siennes. Et là, Il va la faire réparer par le garage du coin. Et là, s'entame cette espèce de relation-là entre le garagiste et ce personnage qui... On sait pas ce qu'il cherche, mais il est là, là. Mm-hmm. À Nevada City, il est en ville. Et là, il se fait héberger par la personne qu'il a reconnue à la télé. C'est particulier. Et tout se joue à la façon du roman. En fait, Raymond, je lisais l'album et je me disais, waouh, ça ressemble beaucoup à ce genre de policier-là qu'on faisait dans les années 40, 50, à la façon de Thompson, à la façon de Chandler, à la façon. En fait, ça m'a beaucoup rappelé Le facteur sonnera toujours deux fois. Mais adapté à la sauce moderne, moderne, ou vraiment un hommage? En fait, au niveau de l'histoire, on en est là, c'est moderne, oui. L'esprit est dans le roman noir des années 40, mais c'est très moderne. Et ce qui est plaisant à voir, c'est graphiquement. Graphiquement, c'est un dessin très fougueux, je dirais. Une narration aussi, somme toute assez classique, mais qui prend ses aises parfois pour nous donner quelque chose de... Et là, bon, l'intrigue, on l'installe évidemment au niveau... Bon, l'action y est un peu suspendue, un peu suspense, mais le dessin est très fougueux. Le trait de crayon est agile, mais personnel. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est... j'ai pris des notes. C'est un certain Leclerc. Oui, Simon Leclerc. Simon Leclerc. Et j'ai beaucoup aimé cette façon-là de dessiner et de raconter. Bref, somme toute, je te le dis, c'est un excellent, c'est un beau produit québécois. Parce que, comme on en parlait, ces temps-ci, à voir sortir des albums comme Nevada, comme Kissinger et nous, je suis content de voir la diversité de la BD québécoise, là où on en est. Enfin, des éditeurs prennent des risques, et des beaux risques, pour ne pas citer la politique, mais des beaux risques, et nous donner des produits de tous les genres, mais aussi de concurrencer, parce que tu regardes le Nevada, et je te le dis, là, ça n'a rien à envier à ce qui se passe chez Vendouest, chez Glénat Europe, chez Delcourt. Ça vient rejoindre les grosses séries Delcourt. Et en même temps, j'imagine aussi que ça va permettre, à travers l'édition, si on fait des produits qui sont concurrentiels, ben, les vendre aussi comme des produits concurrentiels sur les marchés européens. Et on voit, je veux dire, on a des talents quand même superbes au Québec qui sont de plus en plus édités et reconnus en Europe, que ce soit, bon, Michel Falardeau, on l'a vu à Angoulême, qui a reçu un prix, bon, Julie Rochelot avec son superbe Fantômas, ah oui, dont tout le monde parle. Ben, tu sais, veut pas, on parle beaucoup que l'échiquier BD s'internationalise, se mondialise grâce aux technologies, à la diffusion, etc. Ben, ça veut dire qu'on crée aussi, qu'on offre l'opportunité de créer des produits qui sont de facto internationaux, ou du moins dans la francophonie. Et on n'a pas à voir honte. Moi, en librairie, je les propose, je les mets à côté des bons produits dans les coups de cœur. Et on n'a pas honte à les produire, à les conseiller. Puis les feedbacks sont ce qu'ils sont, là. Donc ça, c'est Nevada tome 1. Oui. Donc on découvre cette série-là. C'est chez Glénat, je le rappelle. Et deuxième titre, cette fois-ci, c'est de Vincent Zubus et Daniel Cazenave chez Vendouest. Chronique d'un maladroit sentimental, tome 1. C'est parce que je m'y suis beaucoup reconnu que je te parle de cet album-là. T'es un maladroit sentimental? Ah, un peu. Je me suis beaucoup reconnu. En fait, la quatrième de couverture nous annonce un personnage qui serait un mix entre Pierre Richard et Woody Allen. Et d'habitude, je me méfie de ces publicités. Oui. Tu sais, sur le savon là qui lave plus blanc que blanc. Je me méfie. Mais, oh, belle surprise. Cette comparaison-là est tout à fait sentie et voulue dans l'album. C'est l'histoire de Gérard Latuile. Gérard Latuile, dès le départ, est déjà pressé. Il est en retard presque pour un rendez-vous. Un premier rendez-vous. En fait, pas vraiment un premier rendez-vous, mais c'est un ou deux ou troisième rendez-vous. Mais là, il veut vraiment déclarer sa flamme. Okay. Et, aux surprises, Gérard Latuile se prépare et s'adresse à nous. Donc, tout le long de l'album, Gérard Latuile a pour complice le lecteur. Et comme dans les films de Woody Allen. Tu sais, dans, oui, oui, dans Annie Hall, quand Woody Allen, dans la file de... On nous regarde, on brise un peu, ouais, le quatrième mur. Voilà, puis... le quatrième mur est abattu. Tu sais, Woody Allen dit à Annie Hall, il s'ostine, et le gars dans, derrière, la, dans la file, ah, et ça serait le fun, et là, il dit au spectateur, ça serait le fun si j'avais tel personnage. Il sort le personnage. Eh ben, dans l'album, c'est comme ça que ça marche. Hmm. Tout du long, Gérard Latuile s'adresse à nous, mais en même temps, il fait apparaître... il fait apparaître sa mère parce qu'il y a une peur bleue de présenter sa nouvelle copine. À mesure que ses peurs, ses angoisses par rapport à l'amour, à cette nouvelle relation amoureuse-là, développent, on voit ses angoisses qui se matérialisent par sa mère, son docteur. Donc et ça lui... vient vraiment enrichir le personnage. Oui, et lui, c'est bien utilisé narrativement, c'est pas juste un gadget. Là. Non, non, narrativement, tout fonctionne. Mm-hmm. Casana, le dessinateur nous avait donné ces effets-là dans son dans une des un des albums de Ex Libris. Il avait travaillé sur un classique et déjà là, on sentait poindre cette espèce d'imaginaire un peu débridé. Enfin, tout ça fonctionne. Et bon, ça donne un premier tome où Gérard Latuile va commencer une relation avec cette femme-là qui n'a rien pour lui plaire. D'habitude, il nous explique ses barèmes, là, et ça... et ça fonctionne, mais tout son univers va être bouleversé. Bref, c'est un chouette petit album, et ça va être une belle série pour ces espèces de mélancoliques-là un peu se laisser bercer par les trucs de la vie où l'aventure, c'est la vie. Ouais. Puis ces personnages-là sont les espèces d'aventuriers du quotidien. Et Marco, j'espère qu'il y a quand même quelque chose qui me rejoint aussi quand on dit, ben justement, on s'amuse avec la narration, on joue un peu avec ce médium-là. Donc, c'est comme, en fond, un jeu tranquille avec les normes de la bande dessinée, les règles, la BD. Oui, il y a ça. Ludique, de toute évidence. Il y a le côté ludique, mais tu sais... narrativement, quand à un moment donné... En fait, pour épaissir ce personnage de Gérard Latuile, quand il arrive des situations, il réagit tout le temps de la même façon. Et ça aide à rendre le personnage crédible. Exemple, quand il est pour demander un rendez-vous à la douce, il fiche ses moments de silence. Alors, il y a une répétition de la case où on le voit, il n'arrive pas à parler, mais ce qui change... c'est sa couleur, il devient blanc. Chaque fois qu'il est devant une situation qui l'angoisse, il fige, il ne parle pas, il devient blanc. Et tout ça en gradué. Ce qui fait que quand ça se répète, on sent que pour lui, c'est une chose qui fait partie de ce personnage-là. Et au niveau du graphisme, on nous aide à sentir la chose. Alors ça, c'est une bonne, tu me donnes le goût, Marco. Écoute, les deux, en fait, cette semaine. Avec un humour fin à la Woody Allen, à la Pierre Richard aussi, mais parce que Gérard Latuile adore Pierre Richard. Alors, c'est ça. Mais le reste, c'est du Woody Allen tout craché. Alors ça, c'est Chronique d'un maladroit sentimental. Le premier tome, c'est chez Vent d'Ouest. Marco Duchesne, on se dit à bientôt. Ah ben, à bientôt. À bientôt. Alors nous, on repart en musique. Dernier petit extrait qu'on va écouter cette semaine de la formation Vertigo, tiré de leur album Poke 1170. On va écouter un extrait qui s'appelle Carrier District. T'es toujours à la vie en BD. Pour les prochaines minutes, on va porter un regard sur une conférence qui s'en vient ce soir, d'ailleurs ce vendredi 22 mars à la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est à 19h, donc si vous avez du temps libre, ben ça pourrait être intéressant. C'est une invitation à explorer, mais d'un point de vue philosophique, l'univers donc de Gaston Lagaffe par Franquet. C'est autour du livre Gaston Lagaffe, philosophe, du philosophe Pierre Ancé. Et il est avec nous ce soir donc pour nous présenter un peu justement la réflexion qui entoure cet ouvrage. Pierre Ancé, bonjour. Bonjour. Et d'emblée, ben, en fait, on va donner la couleur. Tiens, Gaston Lagaffe, un peu à travers ce livre, on découvre qu'il résiste à l'idée de bureaucratie. Tout ce qu'il fait à son bureau, donc, c'est réfléchir à des moyens pour ne pas travailler. Donc, pour les uns, on va percevoir ça comme l'art de la procrastination, mais pour les autres, dont vous faites partie, c'est la représentation de la confrontation entre la liberté individuelle et les exigences de la société. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, les exigences d'une société particulière, puisqu'il s'agit de Dupuis, la grande firme de BD belge, et qui est une entreprise assez particulière, parce qu'à la fois elle vend des produits, comme n'importe quelle entreprise, mais ce sont des produits artistiques. Et donc, dans cette entreprise, il y a en quelque sorte un espèce de conflit entre le fait qu'il y a des gens qui doivent être créatifs, qui ont comme métier, je dirais, de créer quelque chose qui est de l'ordre de l'art, et par ailleurs, il faut que cette entreprise vive, vende ses produits qui sont les BD, qui sont les albums de bande dessinée, qui était le journal Spirou, puisque autour de Gaston Lagaffe, il y avait le journal Spirou, qui faisait partie, pour nos auditeurs québécois, je suis belge, je l'explique, il y a deux grandes écoles de bande dessinée en Belgique, l'école de Marcinelle autour de Spirou et l'école de Bruxelles autour de Tintin. Et donc, il y a de plus que des petites différences entre ces deux écoles. Et donc, Gaston est engagé comme quelqu'un pour trier le courrier, pour s'occuper des archives. Donc, tout ce qui est de l'ordre à la limite du rebut. Or, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer à ce qu'il peut. Mmh. Or, l'entreprise essaye sans arrêt de le coincer, de le réduire au fait d'être quelqu'un qui finalement s'occupe des choses les moins intéressantes dans une entreprise comme celle-là, à savoir classer le courrier et les archives. Et Gaston va se rebeller contre cela. Oui, en fait, il entraîne, et c'est un peu ce que vous amenez dans le livre, il essaie de poétiser, dans le fond, son univers avec bon les animaux, bricolage, etc. Et j'ai l'impression aussi, et de ce que j'en ai retenu, donc d'amener dans un monde intérieur qui est celui de l'entreprise, d'amener un pan du monde extérieur aussi, donc de faire un pont entre ces différents univers. Absolument. Donc je pense qu'une manière qu'aura, j'aime beaucoup votre expression, Gaston essaye de poétiser son monde, une manière qu'il a de poétiser son monde, c'est de faire rentrer l'extérieur de l'entreprise à l'intérieur. Alors d'une part, il le fait involontairement en ratant. C'est monsieur de Mesmaquer qui va chaque fois rater ses contrats, généralement à cause de bricolage délirant de Gaston, mais qui va signer un seul contrat. C'est un contrat avec Gaston. Hein, pour un espèce d'horloge Apollo. Il y a les pompiers qui viennent à des moments donnés parce que Gaston a fait des gaffes. Alors il y a tous ceux qui font rentrer, comme vous le dites justement, l'extériorité à l'intérieur de l'entreprise. Il y a par exemple les animaux. Il y a toute une série d'animaux qui rentrent dans cette entreprise. Entre parenthèses, philosophiquement pour nous, c'est intéressant. Qu'est-ce que les animaux peuvent nous apporter quand on voit une toile d'araignée? Qu'est-ce qu'une toile d'araignée peut nous dire? Nos auditeurs et lecteurs québécois connaissent sans doute le merveilleux livre de Victor Levi-Beaulieu, Ces animaux qui nous sauvent, dans lequel Victor Levi-Beaulieu parle de tous ces animaux qui l'ont littéralement sauvé. Eh bien, les animaux qui peuplent l'univers de Gaston, il y en a vraiment 20, 30 sortes, sont des animaux qui l'aident à respirer. Il y a aussi Jules de chez Smith. Il y a le Ducran Lapoigne. Il y a toute une série d'éléments qui viennent introduire de la respiration. C'est une des manières qu'a Gaston de vivre, de survivre et d'essayer de rester un homme désirant et créatif. Comme vous le dites bien, c'est de faire entrer l'extérieur à l'intérieur, donc de faire respirer lui-même et l'entreprise du puits. C'est exact. Et en même temps, ce qui est paradoxal dans ce cadre-là de réflexion, comme on dit, on fait entrer l'extérieur dans l'intérieur, mais en même temps, quand on va vers l'extérieur, donc vers par exemple ses vacances, son univers personnel, la frontière est quand même mince entre le professionnel et le personnel. Ses patrons, on pense à Fantasio, Prunel et d'autres, et on les retrouve, ils l'accompagnent en vacances, donc il y a une dynamique particulière aussi. Ah oui, c'est une dynamique particulière qui, ce n'est pas tout à fait le cas dans le cas de Gaston, pourrait sembler totalitaire. Si nos auditeurs doivent partir en vacances avec leur patron, je pense qu'ils ne vont pas rigoler beaucoup. Mais il y a donc ce personnage de Fantasio qui va accompagner Gaston pendant 5 ou 6 albums, mais à partir du moment où progressivement Franquin, qui ne croyait pas à Gaston au début, hein, Gaston c'était ce qu'on appelait une ou deux petites cases, un cul de lampe, à savoir, comme c'était un journal qui était vendu en France et en Belgique, les publicités n'étaient pas les mêmes des deux côtés de la frontière. Donc quand on enlevait une publicité belge, il fallait mettre quelque chose à la place. On mettait une ou deux cases de Gaston, ou l'inverse en France. Ça s'appelle des culs de lampe. Et d'ailleurs, il servait à ça au début, Gaston, et Franquin n'aimait pas tellement Gaston. Il croyait qu'il allait pouvoir s'en débarrasser. Et c'est progressivement que Gaston a pris de plus en plus de place. Et comme vous le dites, il y a vraiment un espèce de paradoxe qui est dû au fait que Fantasio, qui dans les brandes dessinées Spirou est un grand comique, un grand inventeur, un espèce d'autre Gaston, va se retrouver comme le sous-chef, l'espèce de petit chef toujours engueulé Gaston. Et donc à partir, je pense, de la sixième album, Franquin va le faire sortir. Il n'apparaîtra plus et il sera remplacé par Prunel, qui est vraiment un espèce de contremaître qui engueule Gaston. Mais ça ne pouvait plus simultanément dans l'imaginaire créatif, avoir un Gaston surveillé par un Fantasio qui hurle sur lui, et le même Fantasio dans les albums Spirou qui serait un espèce de délirant créatif comme Gaston. Et en même temps, ça amène aussi une présence quand même importante, donc la figure d'autorité de cet antagonisme-là qu'on propose à Gaston, que ce soit Fantasio, Prunel, ou dans une certaine mesure aussi l'agent de police Longuerin. Il y a vraiment des figures d'autorité fortes qui viennent donc l'opposer, qui l'amènent, j'imagine, avec les moyens que vous avez décrit, qui l'amène à résister. À résister. Donc, c'est vrai que la résistance n'est pas en soi quelque chose de toujours systématiquement positif, mais en quelque sorte, je pense que vous le dites, Gaston, c'est un adolescent qui est en train de grandir et qui se confronte à des principes de réalité, à des autorités, par rapport, il faut le dire quand même, par rapport au fait que le boulot qu'on lui confie, sur lequel on l'oblige de travailler, est un boulot qui est quand même fâcheusement idiot. C'est un boulot très répétitif, très routinier, et par rapport auquel il essaye de réagir. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas toujours des plus intéressants, le fait de vouloir parquer n'importe où, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans la société. Gaston a presque à la limite des côtés un peu inciviques. Mais je pense que, vous avez dit le terme, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, je vais encore en publier, vous avez pris le terme de résistance. La résistance est vraiment une catégorie de notre vie. Nous résistons à partir du moment où quelque chose veut nous étouffer. Mmh. Que ce soit quelque chose quand nous sommes envahis par une maladie, on résiste à la maladie, ou comme quand nous sommes envahis par des autorités qui vont, je dirais comme le disait le philosophe français Proudhon, qui vont nous couper de ce que nous pouvons. À des moments donnés, en quelque sorte, clic, clic, clac, clac, on a plein de potentiel créatif en nous, et il y a des autorités qui veulent nous empêcher de nous déployer. Et à partir de ce moment-là, on va se mettre à résister. Et dans le cas de... Il y a des tas de manières de résister, mais les manières de résister de Gaston, vous l'avez dit, c'est bricoler, c'est faire entrer des animaux, c'est créer des objets tout à fait délirant, c'est semi-flirter avec Mademoiselle Jeanne. Il invente toute une série de manières pour essayer quand même de développer sa créativité, et ses créativités détournées, dont l'essentiel, cher ami, sont des créativités dans le temps. Mmh. Et pas dans l'espace. Ce sont des gravités. Pourquoi pas dans l'espace? Parce que s'il crée dans l'espace, les autorités vont voir ce qu'il fait. Et quand il crée dans l'espace, ses créations sont très rapidement détruites par l'autorité. Mm-hmm. Tandis que s'il est dans le temps, dans le rêve, à des moments donnés, Gaston rêve, on le voit avec Mademoiselle Jeanne sur une île déserte poétisée. Quand nous résistons dans le temps, dans notre espace intérieur, dans certains replis de nous-mêmes, l'autorité ne sait pas nous atteindre. Mm-hmm. Mais voilà, la résistance, c'est bien ça. Je dirais que c'est une catégorie générale de notre vie, la résistance. Et en même temps, je trouve intéressant l'idée de résistance aussi, parce que quand on observe Gaston, on n'a pas l'impression non plus, au-delà de l'idée du travail et du côté avilissant de ce travail-là, il ne s'oppose pas, il ne va pas contre l'entreprise, il veut pas détruire Spirou, à la limite, il veut y contribuer à sa façon. Donc, c'est la notion de résistance me semble plus propice à ça qu'une notion d'anarchisme, d'attaque de front à front. Ouais. C'est très fin, votre remarque est très fine et très perspicace. Effectivement, c'est extrêmement rare que Gaston... D'abord, la première chose, il ne va jamais saboter. Nos auditeurs savent peut-être que saboter, c'est un mouvement qui a commencé chez les tisserands anglais au 19e siècle, qui lançaient leur sabot dans la machine à tisser parce qu'ils croyaient, sans doute à tort, que les machines à tisser allaient faire du chômage. Gaston ne sabote jamais son entreprise et c'est extrêmement rare qu'il soit en confrontation directe avec l'autorité, avec Monsieur Boulier, ça arrive. Notamment quand Gaston exagère vraiment et qu'il amène le petit chimiste dans l'entreprise et qu'il fait sauter les plafonds. Là, comme on dirait chez nous en Belgique, te veil is te veil, trop c'est trop. Et là, il entre en confrontation musclée avec Monsieur Boulier. Mais vous avez raison, généralement, on tourne, on glisse, on invente sur le côté, on n'est pas front à front. Parce que si on est front à front, le pot de terre sera écrasé par le pot de fer. On est plutôt savonnette, on est plutôt sur les côtés. Comme ça, on parvient résister, permet de persister, de continuer, de durer. Vous l'avez bien remarqué, je vous en remercie. Et Pierre Ancien, en terminant, il nous reste à peu près une minute. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce qu'on se dirait que Gaston Lagaffe devient peut-être un peu un exemple? Oui, je pense que Gaston Lagaffe, j'ai intitulé le sous-titre de mon livre « Franquin, Deleuze et Spinoza », c'est un philosophe spinozien. En gros, qu'est-ce que Spinoza, qui est vraiment l'anti-Descartes, nous dit? C'est que désirer, c'est créer. Désirer, c'est développer notre propre dynamisme personnel en nous branchant avec les autres. On se branche d'une manière négative, c'est toxique et on est triste. On se branche d'une manière positive, on augmente notre puissance et on est joyeux. Et donc, la conception spinozienne du désir, qui est très opposée à celle de Freud, pour Freud, désirer, c'est être toujours dans le malheur inconsolable qu'on n'est plus dans le lit et dans le corps de maman. Ce n'est pas du tout comme ça pour Spinoza. Spinoza, désirer, c'est se créer soi-même. C'est un dynamisme créatif. Et ce dynamisme créatif se déploie par des branchements, par des connexions. Il y a des connexions mauvaises qui nous rendent tristes, il y a des connexions bonnes qui nous rendent joyeux, qui augmentent notre puissance. Et je pense qu'à sa manière, Gaston est un véritable héros spinozien. Il n'est pas tout à fait achevé, parce que Spinoza dirait aussi qu'on a intérêt, pour avoir des bonnes connexions dans le monde, de comprendre vraiment le monde dans lequel on est. Et je pense qu'à des moments donnés, Gaston ne pige pas vraiment ce dont il s'agit. Par exemple, il ne comprend pas les appels du pied de Mademoiselle Jeanne. C'est déjà un progrès par rapport à Bianca Castafiore chez Tintin, mais il n'a pas encore compris cette dimension érotisante de l'existence que lui présente Mademoiselle Jeanne. Alors, en fait, ça fait beaucoup de réflexions. On est bien content de recevoir ce soir. Et j'invite les gens, s'ils veulent poursuivre avec vous, maintenant, une petite demi-heure, là, à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est une conférence gratuite. Donc, à la salle Gérard Martin. Donc, conférence de Pierre Ancé. Et également, évidemment, le livre qui est disponible chez Couleur Livre, qui s'appelle Gaston Lagaffe, philosophe. Pierre Ancé, merci. Merci aussi à vous. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On va parler notamment du 26e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.